la Yesu Kristo. Nous saluons tous les saints au nom de Jésus Christ. Tunasalimia vile vile banduku na badada bali bako natufuata kwa njia ya internet. Nous saluons également les frères et sœurs qui nous suivent au moyen de l'internet. Pali popote beko mujina la Yesu Kristo. Partout ils sont au moyen au nom de Jésus Christ. Tukona pasteur Kalenga Jean wa Tenke. Nous avons mchungaji Kalenga Jean wa Tenke. Frère Baté wa Lualaba. Le frère Baté de Lualaba. Pasteur Mutamba wa Sodimiko. Berger Mutamba de Sodimiko. Pasteur Kabwe wa Kakanda. Berger Kabwe de Kakanda. Frère Stéphane ancien wa Botlongé. Nduku Stéphane ku Botlongé. Bote bana salimia kanisa Kambovu mujina la Yesu. Tous sont salués l'église de Kambovu au nom de Jésus Christ. Kwa bila kukawia. Sans tarder. Tunalomba tushimame buima. Je demande qu'on se mette debout. Tufungule kitabu chetu cha siku yote. Ouvrons notre livre habituel. Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6. Kisha usomi wa andiko. Après la lecture de le, après la, la lecture. Talomba kwaya itayarishe imwimbo ya ya nyimbo za Mungu 79. À la chorale de nous préparer nyimbo za Mungu 79. Kama banaimbaka tutaimba hiyo kisha nitaomba na tutaendelea. S'il chante on peut chanter puis je vais continuer. 79 nyimbo za Mungu après lecture de la parole. Kisha kusoma maandiko nous allons chanter 79 nyimbo za Mungu. Mwaka wafuire mropwe uzia na mwene nkambo kashashika tapakipona. Chati kipona cha peururuine ne kisanzi cho avuere cha kumene monso munzuwo. Baserafima ba imene peuru. Yense wajina mapapi mukaka. Pameso wibutirepo wabiji. Kumauru nako wibutirepo wabiji. Ne abiji makuwabo obaji kutumbukirako. Vajikuira kija kashaba bijikijamba. Waruafyo, waruafyo, waruafyo inkambo wa mavita. Tanda yonso ya yura rukumurwandi. Mapanda abibero kea tenta kuwama uyo obaji kubijikija. Ne munzubo ya resa mwayudirebuishi. Ponka hapo kenda kiamba mawe amimuranda na afua. Pantunji muntu wa miromo mibi. Ne bantubonji karamo ibonka wa miromo mibi. Mwanda namu na mwine muropu we nkambo wa mavita. Ponka hapo serafima umo watumbukira konaji. Wajinajika la mkubo uko kwanji. Jo apuire na kimanto kumazaba u. Wijipishi ishepaka nuwakami. Wanda kamba. Wamu na jinojika la japita kumiromo yove. Jinomianda yove ya apua. Nebubi ibobe watoke jiwa. Ebi ya na mvwine mu, diwe jamu, jankambo amba, kamba iyani yetu soa kutumaswe kuya. Aminaro ndurweke amba, amiyuno mwane, bantume. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mumwaka ya lufu ya mufalume Uzia, niriona, bwana mwenye kukala pakiti cha enzi cha juu sana. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Na upindo wa vazi yake, iriala nyumba yote. Des serafins se tenaient au-dessus de lui. Maserafima ilishimama yulu yake. Ils avaient chacun 6 ailes. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. 2 dont il se couvrait la face. 2 alianza kufunika. 2 dont il se couvrait les pieds. 2 ilianza kufunika mikulu. Et 2 dont il se servait pour voler. Na 2 ingine ilianza kumsaidia juu kuruka. Ils criaient l'un à l'autre. Baranza kulalamika moja kwa mwingine. Et disaient. Biko banasema Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu ni Bwana wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia yote na yala na utukufu wake. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Milango naanza kutetemeka kubizingiti juu ya ile masauti baanza kulalamika. Et la maison se remplit de fumée. Na nyumba yote kayala na moshi. Alors je dis. Pale pale nikasema. Malheur à moi, je suis perdu. Ole wangu niko mwenye kupotea. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sababu niko mtu wa milomo mubaya. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Na niko naishi na bantu wa milomo mubaya. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Na leo macho yangu naona mfalme Bwana wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente. Même mmoja wa serafima akalukia kule niko na rikala ya moto. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il a ritocha kumazabau na chuma. Il en toucha ma bouche et dit. Akagusa kinwa changu na kusema. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant. Nikashikia sauti ya Bwana ikasema. Qui enverrai-je? Ni nani tutatuma? Et qui marchera pour nous? Ni nani ataenda juu yetu? Je répondis. Nikajibu. Me voici, envoie. Mimi ni hapa, banitume. Amen. Tutaikala batakatifu ba Mungu. Siwe kwaya, muna imbaka na muna kanimu imbo. Je ne sais pas la chorale, vous chantez comment ce cantique. na vile maisha sa Yesu alipoingia, nikapata uwezo na nuru moyoni sa Yesu alipoingia. Alipoingia, aleluya kwa Yesu, mwokozi pekee, aliniokoa kabisa. Niliacha makosa na njia ya dhambi, saa Yesu alipoingia. Naye alisamehe na alisafisha, saa Yesu alipoingia. Saa Yesu alipoingia, saa Yesu alipoingia. Aleluya kwa Yesu, mwokozi pekee, aliniokoa kabisa. Nilipata salama iliyo ya mbingu, saa Yesu alipoingia. Uga uliniacha na shaka njiani, saa Yesu alipoingia. Saa Yesu, kwa Yesu makazi pekee, aliniokoa kabisa. Nilipata taraja ya kwenda mbinguni, saa Yesu alipoingia. Na furaha ilijaza roho kabisa, kwa Yesu mwokozi pekee, aliniokoa kabisa. Mungu aongeze mabaraka mu maandiko tunasoma mu jina la Yesu Kristo. Je bénédiction à la lecture au nom de Jésus Christ. Taomba kwa muda mfupi. Je vais prier un petit moment. Na tutaendelea na upana ya mambo yetu ya leo. Je vais continuer. Mungu Baba, Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu le Père et Sauveur notre Seigneur Jésus Christ. Jina lako lipewe sifa. Que ton nom soit loué. Tunakushukuru, tunakupitia asante. Nous te remercions et te disons merci. Juu ya utimilifu ya maandiko yako. Pour l'accomplissement de tes écritures. Ulisema wakati yote mwenye haki analala. Tu as dit quand un Seigneur celui qui est droit s'endort. Malaika wa Bwana kunapika kambi pembeni yake. L'ange de l'Éternel campe autour de lui. Tulilala vile bantu bote barilala mumukini. Nous sommes endormis comme tout le monde s'était endormi. Tulilala vile bantu bote barilala mudunia. Nous sommes endormis comme tout le monde s'était endormi dans le monde. Lakini tunalamuka kuachana na vile benzetu banalamuka. Et nous sommes réveillés contrairement kama tungaona afya njema katika maisha yetu. Si nous voyons la bonne santé dans notre vie. Ni alama mkubwa sana kunatuambia kusema uyaisha kazi na sipa hii. C'est un bon signe qui montre que tu n'as pas encore terminé avec nous. Asante Mungu kwa yote. Merci Dieu pour tout. Kwa vile unaongoza tena matua yetu kufika kuchukua. Continue pas en ce lieu. Ici où tu descends pour nous enseigner tes voies. Chuka kwetu, Mungu wetu. Descends vers nous, notre Dieu. Paka kushuka mshamba la Eden. Comme tu descendais dans le jardin d'Eden. Na mangaribi na kufundisha sheria yako kwa watoto yako. Descends le soir d'enseigner tes voies. Nalomba kila mtu pakutoka aseme kweli ilikuwa mzuri mie kwenda mu nyumba ya Bwana. Chacun de nous en sortant qui dise qu'il était agréable d'être dans la présence de Dieu. Samehe makosa yetu. Pardonne nos péchés. Sauve les pécheurs. Dans le Saint-Esprit à ceux qui le désirent. Bénis ceux qui ont besoin de te bénir. Réponds aux requêtes. Pour la gloire de ton notre joie. Nous te demandons la même onction partout au monde entier. Que cela nous arrive aussi. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Tunaendelea na habari tunazungumza na kanisa. Nous continuons avec le message que nous apportons à l'église. Leo inaweza kuwa siku ya mwisho. Aujourd'hui ça peut être le dernier jour. Kisha ibada nitarudia kwangu. Après le culte je vais rentrer chez moi. Mimi napikia mchungaji asante. Je remercie le berger. Kwa confiance. Pour la confiance. Il a rinipatia jambo kusimama kwa mimbali. Il m'a donné afin de me tenir devant vous. Pasteur Ndai. Pastor Ndai, c'est notre Père dans la foi. Beaucoup de jours, Dieu m'a appelé à son service. Et mon Père n'a jamais entendu comme je disais. Mais c'est le temps que Dieu a préparé pour que moi je puisse arriver, que je puisse arriver devant l'Église. Merci pour tous les biens que le pasteur m'a fait. Et merci pour toute l'Église pour votre arrivée tous les jours. Après, je vais rentrer. Nous allons nous séparer dans le corps, mais dans l'esprit, nous n'allons pas nous séparer. Que Dieu nous bénisse. C'est un jour qui s'ajoute au jour que nous avons pris pour les causes à l'église. Pour parler sur le sujet qui parle Mwepo Waki. J'ai touché à beaucoup d'endroits. Pour aider chaque frère et chaque sœur, qu'il sache comment tout homme doit arriver dans la présence de Dieu. Et que nous tous sachions que dans la présence du Seigneur, c'est là où il y a le véritable changement. Le véritable changement pour un homme de marcher avec Dieu. Le changement d'un homme afin de marcher avec Dieu. Ça ne vient pas avec beaucoup de jours quand l'homme fréquente le tabernacle. Le véritable changement ne regarde pas l'âge d'un homme. C'est selon la disposition de son cœur. Le nombre de jours que tu as pris pour rentrer dans le tabernacle ne peut pas te donner le véritable changement si toi tu ne t'es pas encore rencontré avec Dieu face à face. Et nous avons montré que dans la présence du Seigneur, c'est dans un miroir où l'homme ne voit que ses fautes. Pour que cela lui donne un cœur brisé et de lui ramener à la repentance. Et le livre qui nous aide comme porte d'entrée dans ce message, c'est ce que nous venons de lire. Nous avons dit encore, dans la présence du Seigneur, c'est dans une salle technique. Ou quand un homme y entre, il doit y faire attention quand il entre pour qu'il puisse en sortir avec la vie de Dieu. Si un homme entre avec des blagues, il en sortira un homme mort. Ce n'est pas un endroit où il faut jouer. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai. Dieu ne vient et moi pour abouana. Dans la présence du Seigneur. Comment si un homme y entre, son cœur demeure là-bas pour toujours. Présenter présence à Mungu partout. Et il commence à présenter la ouais pour Mungu partout où il est. Ce n'est pas une image que nous voyons aujourd'hui dans les chrétiens d'aujourd'hui. Un homme fait il prêche. Il œuvre dans le service de Dieu. Il marche dans la sainteté. Il se fatigue, il commence à retourner. Et il se fatigue, il commence à retourner dans le monde. Nduku dada. Le Dieu que nous croyons. C'est mieux que tu fautes. Et une faute qui peut te tourner le dos. Mais quand tu rentres à lui, tu te répands, que tu le cherches, il te répond. S'il te vomit, il n'est pas un chien pour retourner à ses vomissures. Et il faut faire très attention. Nous qui disons que nous sommes arrivés dans la présence du Seigneur, nous avons trouvé un véritable changement pour toujours. Marchons avec Dieu jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Dans la présence du Seigneur, nous y sortons des gens nouveau-nés. Dans la présence du Seigneur, c'est là où nous sortons avec la force de travail selon sa volonté. Mais il y a d'autres prédicateurs. Ils vont travailler pour Dieu parce qu'ils ont étudié. Ce problème ne concerne pas comme tu as étudié, ne concerne pas celui qui a argent, n'est pas en rapport avec celui qui est pauvre. Cela est en rapport avec celui-là qui s'est rencontré avec lui. Amen. Dans tout état que l'homme s'est rencontré avec toi, Dieu va te faire comme lui veut. Que Dieu nous aide. Ça, oui, frère. Maintenant, toi, mon frère. Oui, sœur. Toi, ma sœur. Oui, choriste. Toi, choriste. Oui, prédicateur. Toi, le prédicateur. Oui, c'est quel Dieu qui t'a rencontré? Aujourd'hui, tu es dans la sanctification. Demain, tu rentres dans les cieux. À Panandouk. Nos frères, pour qui nous lisons les témoignages dans la Bible, il n'y a pas celui qui s'est rencontré avec Dieu et qui est resté mouja mouja. Tous ceux qui se sont rencontrés avec Dieu, le changement était visible dans leur vie. Que Dieu nous bénisse. Acte des apôtres, sourate 10. Écoutons le témoignage de Paul. Aye Paul, vous avez dit que vous avez pingé la banque, vous avez banqué la banque, vous avez banqué la banque, Roa kijimu jishinda ke pepi na kuda masaka ponka po tikera chaveka po ajina kipeni wapona panshi ebya wanvwajiwi kaji murake amba soro soro mwanda ka wenda kumpanga panga abi kumvwa soro amba iyo beani nkambo aye amba ya mi Yesu ye wenda kupanga panga twende pasis Ponka po ka tutumene kukumya warakamba kambo kambo sakanguwe chika ne kambo amba taruka utwere mumuji mwabasa kukubura chakuba bantu bwajinga nabo mu rwendo bayimene bitu tarara bangwine jiwe no kaba mwene muntu ponka po soro wataruka na taru na nabu turemeso wafirwa kumona kurenga bamukweteko kukuboko bamufisha kuda masaka Waikere mafuku wa satu kwa kuburu wa kumona na nasha kuja, na nasha kutoma me. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, wakati alikuwa munjia karibu kufika ku Damasaki, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Mwangaza mkubwa inamupata inamujunguluka. Il tomba par terre, akanguka chini, et il entendit une voix qui lui disait, akashikia sauti kunamwambia, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo, Saulo, kwa nini unaniteswa? Saul 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, akatetemeka na kushikwa na boka na kusema, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bwana, unapenda nifanye nini? Et le Seigneur lui dit, Bwana kamwambia, lève-toi, shimama, entre dans la ville, uingie mumuji, et on te dira ce qui bata kwambia cha wewe kufanya. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. C'est un témoignage clair. Celui qui est passé dans la présence de Dieu, mon frère, ses connaissances s'arrêtent sur le champ. Il reste vide sans quoi que ce soit. Même si tu étais un padir, tu vas accepter qu'on puisse te conduire. C'est vrai. Tu ne vas pas encore être convoitant du monde. Tes yeux de voir le monde va mourir. La convoitise de la chair va mourir. Mabadiliko de ton nom va commencer dans le nom de Dieu. Ce n'est pas important aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu as pris longtemps dans le tabernacle. Comme Hélène, sœur, par exemple. Ton nom c'est Hélène. Comme femme. Tabernacle, à cause des jours tu deviens Naomi. Tu as changé le nom. Aita kupatia bu Christian kama bado hukutana na Christ. Cela ne peut pas te donner la chrétienté. Ni mzuri. Si ni mzuri. C'est bien. Mais pas tout à fait. Akini aina tuko kawaida. Alléluia. Amen. Ata uko mukalai. Même si tu es mukalai. Kufuatana na cha kwenu. Conformément à ta tribu. Kikabila kile wao zalikia hapo. Ta tribu dans lequel tu étais. Mukalai ni mamijimu mwa fulani fulani. Mukalai c'est le nom de. Mais hata unaingia ku tabernacle. Mais le temps où tu as pris dans le tabernacle. Unageuza njina inakuwa mesha. Tu changes le nom, ça devient Meshach. Ça ne va rien te faire si Dieu n'est pas encore entré dans ta vie. Ce n'est pas être Meshach que tu vas arrêter de boire. Alléluia. Amen. Mais le péché tombe dans la vie de l'homme. Quand il entre dans la présence de Dieu avec sa disposition de Dieu. Et le véritable changement se voit chez cet homme. Et il demeure moué pour Amungu Kualote. Que Dieu nous aide. Maintenant, toi, tu es entré dans quelle présence? Tu es entré dans la présence de quel Dieu? Tu connais seulement l'histoire de l'Église. Tu connais seulement l'histoire des gens qui sont tombés. Tu connais les histoires seulement des gens. Dans la présence de Dieu, nous voyons uniquement nos problèmes. Si tu vois ton problème, ça va t'aider à te repentir, te rapprocher. J'ai dit à l'Église en disant, le péché pèse beaucoup. Ça ne peut pas tomber, ça peut pas abandonner l'homme parce qu'il a mis le temps dans le tabernacle. Ça ne peut pas abandonner chez l'homme parce qu'on l'appelle pasteur. Apana. La vie du péché tombe, s'arrête. Lorsqu'un homme et Dieu se rencontrent, ce que Dieu fait, c'est de prendre ta vie de péché, de le jeter dans son sang, et de le jeter dans la main de l'oubli. Et il prend son être et te le donne. Même quand les gens te méprisent, et de mépriser ta foi, et c'est qui ce lièvre? Toi, tu te connais avec ton Dieu. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Dans la mouée pour Amungu, nous y sortons déjà. C'est pourquoi le nom de Saul de Tarse était terminé. Il est devenu Paul. Changement yandina. Mabadiliko de nom. Sorti de la païenneté. Ça commence le jour où l'homme est désiré d'aller dans la présence de Dieu, mon frère. Désiré d'aller dans la présence de Dieu, ma soeur. Parce que dans la présence du Seigneur, nous y sortons avec une foi sans hypocrisie. Des années et des années. Miak na miak. Où tabernacle? Tu es dans le tabernacle. Frère, même si tu as étudié comment il faut cacher le péché, si tu as une copie, ta femme ne peut pas connaître comment tu caches ce problème. Tu peux réussir chez ta femme, tu peux réussir chez ton prochain, tu peux même réussir chez ton pasteur, tu peux cacher même ce péché à ton église. Mais si tu arrives dans la présence de Dieu, comme c'est dans un miroir, tout ton problème sera mis à découvrir. C'est pourquoi tu vas aller en présence à mon Dieu. Nous qui sommes arrivés dans la présence de Dieu, nous n'avons pas la foi d'hypocrisie. Nous avons présenté la présence à mon Dieu partout par les nids. Je présente la présence de Dieu partout où je suis. Même si je suis au champ, je comporte sa présence à mon Dieu. Je me comporte comme si la présence de Dieu était avec moi. Présence à mon Dieu, comment on doit présenter? La présence de Dieu, lorsque l'un homme présente cela, ça l'amène loin de péché. La foi de l'hypocrisie, d'où viendrait-il? Dans quelle présence de Dieu tu es arrivé? Et tu en sors avec la foi d'hypocrisie. Ma soeur, sortons du tabernacle. Mes frères, sortons du tabernacle. Entrons dans le corps mystique de Jésus-Christ. Soyons les membres de l'Église de Jésus-Christ. Et nous serons des candidats pour aller dans l'enlèvement. Dieu, que Dieu nous aide. Si tu es membre du tabernacle, tu ne verras pas le ciel. Il n'y a personne qui ira au ciel avec l'étiquette du tabernacle. Il n'y a personne qui ira au ciel avec l'étiquette du nom du pasteur ou de l'ancien. Ou tout celui qui œuvre dans l'église. Si c'est le problème de prêcher qui pouvait amener les gens au ciel, Dieu ne pouvait pas empêcher aussi de prêcher. Mais ce n'est pas cela. Dans la maison de Dieu, même celui qui prêche et celui qui touche, celui qui arrange les chaises, tout cela, ce sont des œuvres que Dieu va payer. Ce qui est important, soyez vos, les enfants de Dieu. Que Dieu nous assiste. Jérémie chapitre. Jérémie. Genèse chapitre 30. Que je lise d'abord Mwanzo makumi tatu na mbili. Aujourd'hui je vais beaucoup parler sur le titre, de sortir un nouveau dans la présence du Seigneur. Mwanzo. Genèse chapitre 30. Mwanzo makumi tatu na mbili. Verset 22. De 22 à 30. Kuanzia pa makumi mbili na mbili kufikia pa makumi tatu na mbili. Bonka abu abufuku Yakobo. Watarwike wapoka bakaji banji babiji ne bajabanji bana bakaji ne bana banji bana barume 11 wabuka mukora wa yaboka pakyabu wibabwije mukora bonso watumine ne bintu byonso byo ajinabyo aye washere kwa bushe ebiya kwashire muntu kwitakura nanji bufuku bonso ne byo bukya awa muntu rwa mwene banafirwa kumushinda wa mukwete pamene na kapore. Loa jikuta dira. Ponka apo Yakoba ne chikupa chanzi cha mukapole cha tera. Ebiye warakire Yakobo mba. Ndekenje jino mwanda buwacha. Adi Yakobo mba kenshi kureke poso ungesere jese. Awa muntu wa ipuja mba jishi na jowi wiyani. Aye wa mura kama ndi Yakobo. Kumbwa aye kumbwa awa muntu wa mura kama. Jino jina jobe kenshi jabu Yakobo jino mwanda warwana resa ne bantu ne kushinda washinda jino jina jobe jikekala buisalera ebiye Yakoba wamura kiremba nakupapatana mibure jina jobe kungwa yamba mwanda kaunjipuja jina jana ponka apo wamwesera Yakobo jese apa pantu Yakobo wipeni kibupenyera penyera ikula kamba kirungi cha resa mwanda wala kile amba namo na resa mpara na mpara inokufu ayo Yakobo pakufuma papenyera apone ikateka ata amba kaende kusunkuta mwanda wajiku pachandu cha mkapone cha terere kurenga kufiki jane leo jino venaisa lera kenshi batikuja nyama ya pakapore poka nunga kanina mwanda poka mtengere yako 22 Jacob se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Yakobo akalamuka bushiku bumoya akabeba. Babibi yake bawili, batoto yake banaume na bintu byake byote. Il les prit, leur fit passer le torrent et leur fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Arenda kutambuka mutoni na kutambusha bintu byake byote bilikuwa nabyo. Jacob demeura seul. Yakobo akabakia yepeke. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Kuna monokania mtu akaanza kukombana naye kufika na kumapambazuko ya asubuhi. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Pale anaona kiarishindo kumweza. Cet homme le frappa la voiture de l'ange. Ule mtu akamupika kubase. Et la voiture de l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Na kifuno kiuno cha Yakobo kikatenka. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Il est fou si Jacob a dit après dire y a Peniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Ça va voir seulement il y en a un à mon goût au quoi uso. Et mon âme a été sauvée. Mon roi yangu na okoka. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de l'ange. Wakati yuwe na toka Jacob na toka pa Peniel. Jacob boitait de l'ange. Jacob a changé mitembeleyo. Alléluia. Amen. Yakobo na changer kutembea. Njina mupia iku natoka mushiku muntu na Mungu banaonana. Le nom nouveau vient quand l'homme et Dieu se rencontrent. Mutembeleo mupia iku nafikia muntu kama anakutana na Mungu. La nouvelle marche zamani wewe kama unaenda Lubumbashi unaanza kufika mu hotel. Autrefois quand on allait à Lubumbashi on allait dans des. Mais kisha ukutana na Mungu. Après cette rencontre avec Dieu. Kama Lubumbashi utauliza banduku yangu veko. Si tu arrives à Lubumbashi tu vas poser la question sans mépris. Hautafuta mapa. Tu ne vas pas te cacher. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mutembeleo mupia iko na mufikia muntu ule alikutana na Mungu. La nouvelle bonne marche arrive à l'homme quand il se rencontre avec Dieu. Prophète anasema. Le Nabi parle. Nous sommes en 68e paragraphe. Lisons nukta makumi sita na mnane. Après que Jacob alitait toute la nuit, kisha Yakobo kukombana busiku bote buzima, en confessant ses péchés, mukukiri mankosa yake, vous rappelez l'endroit où il était, kukumbuka fazi la rukuya, c'était appelé Peniel. Iliitwa Peniel. Le mot Peniel en hébreu, jina Peniel mkibrania, signifie la face du Dieu tout puissant. Inamaanisha uso wa Mungu wa uwezo yote. Muwepo wa Bwana, mupeniel ni muwepo wa Bwana wa uwezo yote. Peniel c'est dans la présence de Dieu tout puissant. Wa uwezo ya kubadilisha matendo nzambi. La puissance de wa uwezo ya kutukuna pombe mu maisha yako. Le pouvoir de wa uwezo ya kufanya mtoto wa Mungu. Le pouvoir de te faire devenir Dieu, tout pouvoir. Wa uwezo wa kukubariki na mumwili. Le pouvoir de te bénir dans la chair. Wa uwezo wa kupatia mutembeleo mupya. Le pouvoir de te donner une bonne marche. Kuwepo wa Bwana. Dans la présence du Seigneur. Tout puissant. Wa uwezo yote. Jacob le petit escroc. Yakobo ule mdanganyifu. Avait couru. Alikimbia. Son nom était Jacob. Yakobo alikuwa ni Yakobo. Ce qui signifie Yakobo, si planter. Mnyanganyi wakulanda. C'est-à-dire, un trompeur. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu. Mais une fois qu'il a été dans la présence de Dieu à Peniel, devant la face de Dieu, il a saisi Dieu et il n'a pas voulu le lâcher. Oh Dieu! Nous avons besoin de plus de Jacob aujourd'hui. Il s'est tenu devant la face de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et il restait jusqu'au lever du soleil. Et Dieu a dit, laisse-moi partir, car le soleil s'élève. Et il restait devant la face de Dieu jusqu'au lever du soleil. Mais lakini, il est parti justifié et sauvé. Amen. Amen. Si un homme entre dans la présence du Seigneur, il va en sortir un homme nouveau-né. Sa manière de parler va changer. Même toi, ma soeur, chez toi, ton père député, était député, était député, gouverneur, président, Raisi, ni roi, Mfalme, mingi, vous avez beaucoup de biens, otoka, des vécus, kwa frère, on te pousse par un frère, makala, son travail c'est de faire le charbon, conduire un vélo, we, Mungu na we. Mais toi avec qui tu seras rencontré, yako. Tu seras une folle pour tes frères, utakua fou. Tu seras une folle, utakua na capacité ya kujitisha kwa kile Mungu anakuambia. Parce que tu auras la capacité d'obéir à ce que Dieu te dit, Mungu atusaidi. Que Dieu nous aide. Même dans ta tribu, si on t'avait dit que nous dans notre famille sommes de la famille matriarcale, les maris sont en dessous de nous. Mais si tu te rencontres avec Dieu, capacité ndani yako ya kutumikia Mungu, Dieu va te donner la capacité de travailler pour lui et d'obéir à ce que lui te demande. Toi mon frère, si ta tribu c'est d'emba, ton père et ta mère t'avait dit dans notre tribu, une femme c'est ça, la deuxième femme c'est ça, la mariage, après avoir rencontré Dieu, ses comportements vont tomber. Tu auras la capacité d'obéir à ce que Dieu te dit. Tu sauras que dans la volonté camille fuit à Mungu. Que Dieu nous aide. C'est vrai. Présence à mon puissance. Dans la présence de Dieu, c'est dans un. Dans la présence de Dieu, un homme est changé. Jacob a été changé. Maintenant, il pouvait marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de ce qu'il était. Quand il est allé là, la bataille était alors finie. Oui, messieurs. Et il a commencé à bâtir un hôtel. Il n'était pas habitué à bâtir des hôtels. Mais vous savez, Mais je vous l'ai dit, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous aimeriez bâtir un hôtel quelque part. Même si la manière de fuir à Dieu les délivre, ça demande celui qui sera regarder. Autrefois, j'étais si je trouve mon salaire, l'argent des concubines ne pouvait pas manquer. L'argent de la bien ne pouvait pas manquer dans mon salaire. J'étais un homme insensé. Ça, ça l'est Mungu. Maintenant, aujourd'hui, Dieu, il m'a fait honorer. Il m'a sauvé. Il a combattu le combat que je ne pouvais pas moi-même réussir. Sorti de la bière, même si ta maman faisait n'importe quelle cérémonie, si Dieu n'était pas encore même si ton oncle était mort, on fait des cérémonies si Dieu n'est pas encore arrivé chez toi, c'est faux. Si Dieu arrive chez toi, tu commenceras à examiner ta vie. Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de cette stupidité. Il m'a fait sortir de la mort. Maintenant, il me demande $100 dans mes $1,000. Pour donner les $100, tu ne vas pas résister. Mais si un homme, on lui pousse pour offrir à Dieu. C'est-à-dire, non, il n'est pas encore arrivé dans la présence de Dieu. Que Dieu nous assiste. Et Jacob a été changé. Na Jacob a ribadirika. De Jacob s'est planté. En Israël. Kwenda mu Israël. Un prince ayant la puissance avec Dieu, ce qui est arrivé à Jacob, les supplanteurs, les trompeurs, l'ingiste, l'impie, les trompeurs. Et toi, mon frère, si tu arrives dans la présence de Dieu, un nom nouveau, tu vas le recevoir. Tu seras un véritable chrétien. Parce que la chrétienté, c'est la vie de Christ dans la vie de l'homme. Tu commenceras à représenter Dieu dans ce monde. Et partout tu seras, tu seras une lampe de Jésus-Christ. Dans ta bouche, Dieu va donner la capacité de causer sa parole. Et de témoigner les bienfaits de ce que Dieu a. Et dans la présence de Dieu, et si Dieu te fait justifier, celui-là, il a la joie de son salut. Amen. Amen. Attends qu'on a le pied à Nyumba. Même s'il est encore locataire, il a la joie. Qu'on a comme il a Jésus dans sa vie. Bah, frère, mes frères, kupata Rome takatif, avoir le Saint-Esprit, c'est un plus grand privilège dans ce monde aujourd'hui. Si toi, tu as le Saint-Esprit, tu es locataire, tu pourras des souliers, tu marches à pied, il n'est pas celui qui a beaucoup de biens. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas arriver chez un homme parce qu'il connaît l'histoire des églises. L'homme tacatif est chez cet homme qui s'est rencontré avec Dieu. Que Dieu nous aide. Jérémie, chapitre 7. Jérémie, surat 17. Jérémie 7, depuis le premier verset. Jérémie, surat 7, tangia mstari ya kwanza. De Arura imisango yenu nebyubiro byenu sanga nkemirenga kwikatijira mwino ntanda kekugetegera mu bintu byabubera amba tudinanzu boyankam ange mwarura biya misango yenu nebyubiro byenu ne kuba byabororoke bene mwareka ne kumanika beni ne bakurwa bashabo neba mukakifuire mwarekane kwitira mashimu ino ntanda mwarekane kwiretereja mukupupa baresa bangi abyosanga nkemirenga kuikadijira mu ino ntanda yona pere bikorwe byenu ambake yabo yape Adi ano mokete kila mianda ya bubera ya kubura kukonsha kuimi kuasha. Mwiva, mutapana, nekubara bukende, nekurapa bubera, musoka bubani kuibara, nekupupa bale sabanjibo kama yukirekara, na ashabyo, muya muimana mucheni chami, muinonzubo, iterero adijina jami. Kama nakiamba, tuapuruka, akusamu chuba ponka, bibintu ya kubipu. Inonzubo iterero adijina jami, anu mamula kembo watu pondo. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Neno il m'a fait Jérémie muina muna ya kusema. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Wende ukashimame pa mulango ya nyumba ya Mungu pale utangaze imaneno. Et dit. Sema. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces Chikieni portes. Sauti ya Mungu mwebote bakaji bakambo. Pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant. Mkusema. C'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Dieu vous bénisse. Vous avez construit une bonne église. Si vous tabernacle itafikisha muntu mukwenda kwa leve. Lakini ce n'est pas le tabernacle qui fera arriver un homme d'aller dans la lumière. Nous sommes sauvés. Conseil à Mungu kwa Jérémie. Le conseil de Dieu chez Jérémie. Aïe kumwambia sema wende ukambie bale dans tout monde. Il a pas dit va dire à tout le monde. Ba mumukini ya Juda. Qui sont dans la cité de Juda. Wende ukambie bale beko ningia mu nyumba yangu mimi. Va dire à ceux qui entrent par la porte de ma maison. Kama tunaanza kuihubiri. La parole de Dieu si nous la prêchons. Ça concerne ce groupe qui est ici. Kama tunaanza kuihubiri, sababu mkatolika batakufua. Si nous commençons à vous prêcher, les catholiques vont. Wewe utatubu saa gani? Toi quand est-ce que tu vois? Kumbi neno kuna kwambia wewe mwenye kuja hapa. La parole te dit que tu viens. Neno ni mwana sumura na bale banakuja hapa. C'est pas cause avec ceux qui viennent. Bale mazebu Mungu anajua vile ataishana na. Ceux qui sont dans le ministère. Kama mko mbeko ya Ibrahim avant tuende ku Mungu atawaleta. Dieu parle à ce peuple qui est ici. C'est vrai. Changez vos voix. Soit, mon frère. Ne vous livrez pas avec, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant. C'est ici le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si tous ne répondez pas en ce lieu, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober? Tuer? Commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après toi, ma soeur, la fille de Dieu qui s'est rencontrée avec Dieu, tu es dans le tabernacle, tu as un amant quelque part, tu n'as même pas peur. Toi, ma sœur, Dieu te donne de la maternité. Et tu vas prendre des pots de pour mettre la table en main pour que le pasteur puisse pas voir. Dieu me te voit. Dieu refuse d'être mélangé avec d'autres dieux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est lui. Accroche-toi à lui. Lisez, frère. Puis vous venez vous prosterner devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est en fin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Mon présence à Mungu. Dans la présence de Dieu. C'est là où se voient les choses que nous faisons qui ne sont pas visibles aux gens. Comme Dieu est honorable. Depuis, yote, depuis dans sa vie. Il ne veut pas faire honte à il dit de la manière que l'homme se reconnaisse qu'il rentre mais à la mais s'il veut pointer tout homme ici. Personne ne dira pas qu'il est juste. Il n'y en a pas. J'ai beau de vous présenter à mon frère, tout coupable. Nous tous dans la présence de Dieu, tout coupable. J'en ai tout. Il nous voit. Ben, il n'y a pas de ma couture, il n'y a pas de ma couture. C'est comme cela qui trouve même l'argent, il ne s'aime pas. Ben, il n'y a pas de ma mambo. Ma mambo, ma mingo, je ne sais pas mon goût à quoi. Certains vont demander des choses. Vous avez un conseil. Il y a un bon. Il y a des conseils en dehors de la présence de Dieu. Et vous venez ici, vous dites que vous êtes sauvés. Que Dieu nous aide. Dans la présence du Seigneur. C'est un grand endroit où le Dieu nous regarde. Et dans la présence du Seigneur. Nous disons le encore. Ce n'est pas seulement dans l'église. Si tu y es entré, partout où tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Moi-même, je vois ce que l'Éternel dit. 79. Dans sa présence. Quand nous entrons dans sa présence, nous sommes changés. Pour ne plus jamais être les mêmes. Quand nous entrons dans sa présence, nous sommes changés. Frère, sœur, Mungu tunamini, le Dieu que nous croyons, il n'a pas besoin de quantité, il n'a pas besoin de beaucoup de gens dans l'église. Mais Mungu tunamini, mais le Dieu que nous croyons, il a besoin de la qualité de l'église. Il a besoin de la qualité de son église. Quand nous entrons dans sa présence, nous sommes changés de la même minute. Badilika mule wakati moja moja. Mais comment on garde mon canisa? Lakini si tu es encore dans l'église, utafanya des années et des années. Tu feras miaka na miaka. Omba Mungu na roho ya kuvunjika we dada. Prie Dieu avec un cœur brisé. Tafuta Mungu na roho ya kuvunjika we frère. Cherche Dieu avec un cœur brisé toi mon frère. Akutane na we. Que Dieu se rencontre avec toi. Mabadiliko ya bia kweli. Le véritable changement que cela soit visible dans ta vie. Unaingia mu présence ya Mungu. Si tu entres dans la présence du Seigneur. Unabadilika kweli. Tu changes véritablement. Ah tashi kuma unapata kilio ba frère bote abakuye. Même si un jour tu as un deux et que tu ne peux pas kuachanisha na Mungu. Ça n'aura pas un choc qui va te faire te séparer de Dieu. Amen. Ah, t'as une ingénieur hôpital, ma frère va couper courant. Même si tu entres dans l'hôpital et que les frères te visitent pas, là où t'attends un amour, tu ne vas pas abandonner Dieu. Ah, t'as isurunini yoyo, t'es pas dans le besoin. N'importe quoi que les gens vont faire. Là où t'entends vous compter pas les chiffres, toi tu vas compter sur le jour où tu es rencontré avec Dieu. Regarde le problème que nous venons de vivre. Si aujourd'hui, Mungu analeta apa Moïse. Dieu amène ici Moïse. Jacob. Paul, Paulo, Abraham, Ibrahimu, il est placé ici. Il commence à le poser. Paul, comment tu t'es rencontré avec Dieu? Paul attend de midi à 14 pour expliquer l'histoire. Voyez que Paul va faire de midi à 14 pour expliquer comment il s'est rencontré avec Dieu. Moïse, Moussa, comment tu t'es rencontré avec Dieu? Parle à l'église de Kambo. Détaillé na muna, lipatanaka na mungu. Moussa va détailler la manière dont il s'est rencontré avec Dieu. Et d'où est sorti la puissance d'aller délivrer le peuple de Dieu et de le faire sortir dans la main de Pharaon qui avait une grande armée à partir de la présence de Dieu dans Moïse. Paul, Abraham, Ibrahim, ils vont t'expliquer comment ils se sont rencontrés avec Dieu. Mec, frère, t'amène toi ici. Explique-nous comment tu es rencontré avec Dieu. Ça sera terrible. Il t'a quoi ni atari. Il y a la manière de se rencontrer avec Dieu. Et qui reste un seau attaché à ta vie. Même si c'est ta femme qui t'a exhorté pour donner la parole de Dieu, tu ne vas plus encore compter sur cela. Vous connaissez une femme samaritaine un jour. Elle s'est rencontrée avec Jésus-Christ. Elle a causé avec l'histoire, tu sais que tu sais que vous connaissez. La femme samaritaine a dit, oui, celui-ci c'est le Messie. C'est fini, cet enfant. Elle est allée dans la ville. Venez voir. L'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il faut faire la selon la loi, nous avons la promesse, nous attendons le Messie. Et le signe avec lequel nous avons le fait qu'il est là, tout ce que nous avons fait, nous avons été voilà. Allons, puis, voyez si ce n'est pas lui. Les gens sont venus, ils se sont rencontrés avec Jésus-Christ. Ils ont dit, nous croyons, ce n'est pas parce que toi tu es venu nous dire toi la femme. Nous croyons parce que nous avons vu. Tu vas croire. Ce n'est pas parce que ton mari t'a amené au tabernacle. Tu vas croire quand tu te rencontres avec Jésus. C'est pourquoi quand tu es venu, je suis venu au milieu de nous tous. Frères et sœurs, il n'y a personne. Dans tout l'état où les portes sont ouvertes pour appeler ses enfants, c'est Dieu. Na kile kina convaincre le roi yako wikale hapa. Et ce qui a convaincu ton cœur de rester ici, ni Mungu. Ana kazi ya Mungu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Puissance kani kuna mtu. Uwezo kani kia un homme. Ya kwa kukutosha wewe kunzana. De te faire quitter du péché. Puissance kani kuna mtu mbomu. Quelle est la puissance qui est un homme? Hakuna. Il n'y en a pas. Bele mwenye mu maisha yake. Lui-même dans sa vie. Il y a beaucoup d'erreurs. Bien que tunaokoka. Même si nous sommes sauvés. Mais tout le temps que nous sommes dans ce corps de mort. Nous branchons la mort pour ton choix. Comment je peux te sauver dans le péché? Maintenant, nous tous nous sommes ici. C'est Dieu qui nous a appelés. Mais pour confirmer que c'est Dieu. En personne. Sache le jour de te rencontrer avec lui en personne. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Monsieur, tu sa gloire. Tout ça. Lisons. Tout ça, même les sables, chapitre 17. Nombre. Ah. Et sables. Nombre chapitre 17. Isa buku mina sabu. Tanzia pale pale, tena nikafika na pa 11. Je vais commencer là jusqu'au verset, jusqu'au... Kambo wara kile Mose samba. Rakabe na isarela, bakuretere mikombo, mwaira mazubo, abashabo. Bakurumpe bonso jiku mina babiji, babisaka, byabashabo. Bakareta mikombo jiku mina ibiji. Ukare emba jijina jamuine wa mukombo. Jijina jaro onajo ukejire emba pa mukombo wa Levi. Pantu bakekara ne mukombo umo umo. Kubakurumpe bonso babisaka byabashabo. Ukeitura mujiema jachipuiro kuntansi kwa jisanduku jachipuwa nikisho. Konka sambakana nobe. Muntu yenka tongora. Sanga mukombo wanji ukatumbura. Abyo ami kokufumia mukieni kyami mingwi nwito yonso yabe na isalera yobe mingwi nwitira. Mose sawara kire be na isalera kurenga bakurumpe babo baletere mikombo muntu ku muntu mukombo umo mwaira bisaka byabashabo yaji mikombo jikumi na ibiji ne yaro ne warona wajiponka pa mikombo yabo. Mose sa watu jiraya mikombo kumeso wankambo mudie maja chipuiro. Kesha abino Mose sa watu elele mudie maja chipuiro. Kutana mukombo warona wakisakacha Levi watumbura. Watu taburuba wapanga nelonzi wapya. Mutisa watambishe mikombo yonso wifumya kumeso ankambo wireta kubenaisa lera bonso batajirepo bapokapo wa wanji kambo warakire Mutisamba weja sasa mukombo wa Arona kuntanshi kwa jisanduku ja kipuanikisho uramwe bukiyukidijo kuba no basatuke ne upuiche minyinguito yonso yobe mwingwitira nekine monka moba mukambishe Mosesa kwinkambo momoa ubire. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage. Ni expliquer tout. Je vais expliquer. Mon kundi ya Israël murukuya ka ma dans le groupe, il disait Moïse, il croit que c'est lui qui a Dieu. Un jour, Dieu lui a dit, rassemble tous les 12 tribus d'Israël, dis à leurs anciens qu'il te donne chacun son bâton. Et chacun écrit son nom sur son bâton. Mais le bâton d'Aaron, le nom de Pale sasa mankonto yote nenda kuingia muema ya Bwana. Quand tous les bâtons étaient entrés dans la tente d'assignation, Mungu pale alikuwa kutakula mukombo ya Aaron. Dieu quand il est venu choisir le bâton d'Aaron, mayani mupia. Ce bâton a bourgeonné. Mais c'était un bâton sec qui a bourgeonné. Mais tous ces bâtons que Dieu n'avait pas choisi, c'était resté toujours des bâtons secs. Nous tous qui sommes arrivés ici, nous sommes des arbres secs. Maintenant, quand nous entrons dans la présence de Dieu, si Dieu nous choisit, une nouvelle vie commence. Comme le bâton d'Aaron a bougé dans la présence du Seigneur. C'est comme ça aussi toi. Même si tu es Olivier Sauvage, que Dieu nous assiste. Le salut que nous avons, mon frère et soeur, ce n'était pas pour nous. C'était arrangé pour Israël. Mais Dieu y a Israël. À Côte d'Ivoire qui a Israël, c'est ça notre grâce. C'est pourquoi le vendredi tout le vendredi nous avons dit le véritable enfant de Dieu. Il ne choisit pas les prédications. Il prend ce que Dieu lui dit. Parce que le salut que nous avons, c'est pas la grâce. Et quand la femme samaritaine est arrivée à Israël, il était en dehors de l'Israël. C'est comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des gens hors d'Israël. Mais nous sommes des nations. Nikiche Israël kupata bulangete ba macho yake. C'est après que Israël soit voilé sur. Dieu m'a tourné regard yake kwako na kwangu. C'est alors que Dieu a tourné son regard. Tunapata neema ya kupata yokovu. Et nous avons trouvé le salut. Wakati ile mwanamke alikuwa kwa Yesu. Et quand cette femme est venue chez Jésus. Bwana, Seigneur. Bwana wa Daudi. Bwana, le fils de David. Sois pitié de moi. Niko na mtoto wangu kumgoja kumwenye kushikwa na pepo. J'ai mon fils qui est tourmenté par les démons. Yesu anataka kumjibu. Jésus a refusé de lui. Mwanamke alikuwa wapi hapa? Cette femme n'a pas été choquée. Aliua kile yeeko. Elle savait ce qu'il était. Kwa kuiliweka kuokovu ya chipo yangu. Elle savait que je viens me joindre au salut qui m'appartient. Anaanza kuacha na kusupporter ma terme ya Yesu. Elle savait même supporter le terme de Jésus, mais c'était très dur. Alléluia. Amen. Kama wewe ulikuwa kufuata Yesu hapa, frère. Si tu es venu suivre Jésus. Utaacha Mungu aseme na wewe vile yeye anape. Tu vas laisser Dieu te parler. Kama anakufokea iko na raison. Si tu grandis la raison. Mungu anasema hapa. Cette femme a dit non. Matunzo ya mtoto yangu iko ni kwa Yesu. La guérison de ma fille chez Jésus. Atakatala kuitika yeye kupaka na raison. Même s'il refuse, il a persévéré. Elle a persévéré. Bwana Yesu. Seigneur, aide-moi. Dans son cœur, elle disait, peut-être la manière de parler n'arrive pas bien chez Jésus. Ça va demander que j'aille parler à ses disciples. Comme ça, il ne faut pas de ma place. il était dans ses pensées. Ses disciples ont dit à Jésus, elle chasse cette femme. Elle fait beaucoup de bruit derrière nous. Elle se met à chasser. Elle n'a pas bougé cette femme. Parce qu'elle savait que c'est moi qui viens refaire la vie qui ne m'appartient pas. Yesu anageuka. Jésus s'est tourné. Elle a dit non. Il a dit non. Moi, je ne suis pas venu à tout le monde. Je suis venu. Ah, David! Moi, je suis pas de choc. Même cela, la femme n'a pas été chopée. Seigneur, aide-moi. Yes, on a Jésus, elle a pana. Elle a dit non. Il n'est pas. Il n'est pas bon de prendre les enfants de jeter aux petits chiens. La femme a dit oui, Seigneur. Je sais cela. Mais la kini, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent aux tables de leur maître. Frère, donc, la véritable foi, ça ne connaît pas de choc. La foi qui t'a amené chez Jésus, ça ne connaît pas de choc. Mais je m'étonne, tu viens dans la présence de Seigneur. Dieu te voit. Il inspire son serviteur dès qu'il vous reste même pas. Il dit sur ta vie, tu te fâches, on me prêche dans l'église. On me prêche moi dans l'église. Nous prêchons Dieu qui est crucifié. On ne prêche pas un homme. Même si aujourd'hui on s'est dit, nous commençons à élever notre pasteur. Pasteur Ndai, Dieu nous a aidés. Mais ce n'est pas celui qui nous donne le salut. Alléluia. Amen. Nous, nous élevons Jésus qui est crucifié. Et de rester. Si nous sommes ceux qui nous pouvons pointer tout le temps, c'est Jésus Christ. Nous connaissons la canisse, la Golgotha. L'Église c'est le fruit de l'œuvre de Dieu. Nous allons prêcher cela. Pour que nous trouvions quoi? Mungu atusaidi. Que Dieu nous aide. Nous sommes des arbres secs. Nous sommes des oliviers sauvages. Ils ont été greffés au tronc afin que nous puissions bénéficier de la sève. Et que nous puissions bénéficier de la sève du tronc. Mais maintenant, si nous sommes et des bâtons secs, et quand nous arrivons dans la présence de Dieu avec un cœur brisé, et que Dieu te choisisse, tu deviens ton enfant, tu vas bourgeonner. C'est vrai. Une nouvelle vie va t'accompagner. Tu ne vas pas rester le même. La manière de parler va changer. Ta conduite va changer. Et même ton habillement va changer. Et même les gens vont nous demander. Pourquoi ma soeur tu n'habilles pas comme autrefois? Je me suis rencontré avec Jésus. Et même pour témoigner Jésus, nous n'avons pas honte de le faire. Parce que nous sommes pour faire la publicité à Jésus, tu n'as pas frère. De Jésus-Christ, nous n'avons pas honte. Mungu tusaidi. Que Dieu nous aide. Tukunaona leo kama mtu mmoja anapenda kupostilia kwa député. Nous voyons juste un homme voulait de postuler. Ana organiser kundi yake. Il organise un. Ana baujia mapolo. Il achète des polos. Ana fanya kama ni nini? Tu vende mapeleke publicité ya yule anatafuta kuvote. Aba tena haya. Ils n'ont pas honte. Sasa tu ya Yesu la kombola chez Eva. Mais pour Jésus-Christ qui nous a sauvé nous. Tukwa batoto babaya bantu bakwenda kulufu. Nous étions des méchants et qui méritaient la mort. Nous avons rencontré Dieu. Tukwa batoto bazuri kubazazi. Nous sommes devenus des bons enfants pour nos parents. Mtu wote anakutana na Mungu. Si un homme se rencontre avec Dieu. Alikuwa kupata kizuri kile ndani yake achikwatibu yake. Il va avoir des bienfaits devant lui. Alléluia. Utakushikia haya kumtangaza Yesu ndio yani. Pourquoi va-tu avoir honte de danser Jésus? Même si on te faisait mettre des mains. Dieu a utangaza habari ya Yesu hakutakwata na shaka. Pour annoncer la nouvelle de Jésus, on n'aura pas de doute. Amen. Pale pasteur wetu ananiita kutenke. Quand le pasteur m'a appelé à tenke. Ça monte mina tetemeka. Comme un homme, j'ai tremblé. Pasteur Ndai ananiita. Pasteur Ndai m'a appelé. Tu sauras le prêcher là où il y a beaucoup de gens. J'ai dit, pas comme les mêmes prédications que je prêche pas de personnes. Même là-bas, je parlais toujours ainsi. Alléluia. Amen. Ah, terminer dans France. Même quand j'irai en France, je lirai toujours dans ma Bible. Ni lunga na yoku paka parmi ma lunga. C'est une langue. Kisanga na mingo milianza kapan. Ce n'est pas moi qui écris. Pas qu'on est mongol, toucha français, chindo toucha kana kisanga. Ah, toucha na anglais. C'est lui-même Dieu qui a fait ce qu'il a fait en anglais. Et c'est ça, il voit lire dans sa langue. C'est tout. Joël. Mambo ni tumutangaze Yesu. Le problème c'est d'annoncer Jésus. Mulangi yote nenda Mungu itahubiriwa mambo yetu ikue neno. Langue ça soit moi la parole. Kama ni neno tunaichika amen. Si c'est la parole nous disons amen. Ah donc on se met en français abujito kama ina neno tutakataa. Si même pas le bon français si n'est pas la parole nous allons dire. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Ukutana naye ni puissance bandugu yangu. Eh, sura. Dopa lutanzia na bwaminifu wenye bwa byakweli. Hmm. C'est vrai. Dio. Mon la force est parfaite. Mon paragraphe 43. Il y a une petite chose que nous faisons et c'est pourquoi nous venons à l'église. Et si nous venons à l'église, c'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Kama wewe frère unaonaka mbaya wako mundo wa yako. Si toi mon frère tu n'as jamais vu tes faux dans ton mariage. Mambo yenu yote ni paka bibi yako na kukosea yako. Tous les problèmes c'est toute ta femme qui te fait. Il y a quelque chose de faux mon maisha yako. Kuna kitu kia bongo dans ta vie. C'est vrai? Ni bia kweli. Wewe ndio depuis kwa mariage ya kundo wa yako. Mambo depuis que tu as dans le mariage. Ni paka wewe unakosea yako. C'est toujours toi. Wewe unaonaka mbaya wako. Toi tu n'as jamais vu. Non, kila kiende kwa maisha yako. Non, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Il y a quelque chose que nous faisons. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Si nous venons à l'église, c'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Découvrir et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Kama tunakuta tunakuwa kuvumbula mangambo yetu mbaya. Si nous venons de gouverner nos vies. Tunapatana na keki na pacha kutufanya tukwe bantu bazuri. Et nous rencontrer avec ceux qui peuvent nous aider, nous rendre meilleurs. Dada wewe ulikutana na Yesu. Sœur, tu t'es rencontré avec Jésus. Uko voisin, voisine wa bien kwa voisin bako. Tu es une bonne voisine pour tes voisins. Frère, wewe ulikutana na Yesu. Frère, toi qui t'es rencontré avec Jésus. Uko voisin wa mashamba na wale ba voisin bako wa mashamba. Tu es un bon voisin avec tes voisins du champ. Una capacité de supporter. Tu as la capacité de les supporter. Chien kundi ya Mungu bale tulikutana na Yesu. Nous le groupe de Dieu qui nous sommes rencontrés. Una capacité de supporter bantu wa dunia, mais bo abata tu supporter. Nous avons la capacité de supporter les gens du monde et nous ne pouvons pas le faire. Amen. Frère, wewe ulikutana na Yesu. Le frère, uko travailler mzuri mba collègue bako. Et toi qui t'es rencontré avec Jésus, tu es un bon travailleur avec dans tes collègues. Binti wewe ulikutana na Yesu. Toi qui t'es rencontré avec Jésus Christ. Uko élève mzuri mu masomo ye. Et tu es une bonne élève dans ta classe. Alléluia. Amen. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Na pocha kuya njo kufumbula mankosa yetu. Et découvrir nos mauvaises côtés. Na kufumbula mangambo yetu mubaya. Et voir combien nous sommes petits. Na kuona mara ngapi tuko ba kidogo batoto sana. La présence de Mungu fait. Dans la présence de Dieu mon frère. Tuko la jono tuko bure. Nous ne voyons absolument rien. Bure. Bure kabisa. Chi afanya kintu. Je n'ai encore rien fait. Il n'y a pas longtemps. Je vais vous présenter la prédication de Botlongé. J'ai prêché à Botlongé. Je cours vers les bites. Mais nasema, je disais. Moi, safari ya imani, dans cette marche de la foi. Kama wewe leo, ulianza jana leo unachoka. Si toi tu as commencé hier et que aujourd'hui. Kuko kila chiendeke. Il y a quelque chose. Mais pourquoi les gens zamani bangari paka nakimbia. Il y a ceux qui ont commencé longtemps. Oh, si longtemps qu'ils vont y arriver. Quand ils n'ont pas encore arrêté. Ils n'ont pas encore vu Jésus. Ils ne se sont pas encore arrêtés. Mais toi tu travailles deux ans seulement. Tu t'arrêtes et tu dis que tu es fatigué. Mais balayez Jésus arrête mon course. C'est là que Jésus a pris des années. Même des années passées. Quand il y a des Jésus aussi on est canne. Tout temps que Jésus n'est pas encore visible. Principal ni Jésus. Son objectif principal c'est Jésus. Attends, apa. Même ici. Comment vous faites en doua? Si tu as suivi le mariage. On a couru vers le mariage. Tu cours vers le mariage. On a chemin. Quand on va t'épouser, tu vas t'arrêter. Tu es entré dans le temps. Quand tu vas trouver une femme, tu vas t'arrêter. Mais ceux qui sont entrés pour voir Jésus, même s'il est malade, même s'il est malade, nous sommes prêts à voir si t'es meilleur Jésus. Et il va jeter Jésus. Notre but principal est Jésus. Que Dieu nous bénisse. Kama unakutana naye. Si tu te rencontres avec lui, utakuwa mtu mzuri. Tu seras un bon. Na utatembea bila kuilikwaza. Et tu vas marcher sans broncher. Au utaanza kuangalia kile mtu yuko nafuanya. Tu ne vas pas regarder vers ce que un autre va faire. Ata bantu bote banakuchukia. Même si tout le monde te haïsse, wewe utaacha imani yako. Toi tu ne vas pas abandonner la foi. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Galates. Galatia. Chapitre 6 verset 14. Mstari 6:14. Nous sommes en belle, votre vie est-elle digne de l'évangile? Que je lise Maïcha et Nestalie Njili. Au paragraphe 138, ni mahubiri nukta kimia moya makumi tatu na mnane. Mchungaji aliniambia niishimamishe predication na 11h30. Le berger m'a dit d'arrêter la prédication 11h30. Mais moi habitude ya frère Lievin, il est les habitudes de frère Lievin. Mais chaque fois qu'il s'en je ne prends pas beaucoup de temps. Mais tangura kumiambia, je vous ai d'avance. Nous mouchons n'est pas une panique de couba du couba mince pas que vous ne puissiez pas voir que j'ai paniqué parce que nous sommes attaque botte longueur mais je vais vous faire même si à botte longueur à botte longueur je ne prends pas logique moi mine galaga na la logique que j'ai mon tout comme ni uzao wa Mungu si un homme est de la semence de Dieu ailombe kumpatia neno ya Mungu ya mingi ndio tu ça ne demande pas qu'on lui donne beaucoup de choses pour qu'il puisse mon mwili tunaonaka. C'est que nous voyons. Kama mtu anenda na mbeko mzuri mshamba yake. Si un homme malé avec une bonne semence dans sa terre. Anaiweka mbulongo. Il met ça dans la terre. Apalombake mvula ya 10 ans ndio ile mbeko yanze kuota. Ça ne demande pas une pluie de 10 ans pour que cette semence puisse germer, non. Ni kibaridi tu. C'est une simple froid. Imidite moyo inaanza kukamata mbulongo. Mbeko mujima inaanza nayo déjà kujiprononcer. La vie qui était dans la semence commence à se voir. Mushamba la Eden. Dans le jardin d'Eden. Mon père a montré comment fupisa. La prédication était très courte. Elle m'a pas Adam. Disait Adam. Naev. Eve. Mon a pas ta rousa ya kura matunda ya miti yote ya shamba. Vous avez le droit de manger à tous les fruits. Lakini ile muti mko naona katikati ya shamba. Mais le fruit que vous voyez au milieu de l'arbre. Mushipime ku jardin. Rousa wala kura tunda ya. Ne touchez pas et ne mangez pas. Chez comme goûte ko ile muti. Le jour vous allez toucher, vous allez mourir. Yende na salama ya bwa. Allez en paix. Si sortez. Mangaribe na rudepa kana ile chapitre. Le soir, il revenait avec le même chapitre. Adam, Eve. Dans l'église, Adam, Kubaser, Eve, c'est tout Adam et frère. Frère et tout Adam. Ouais, frère Adam, na ouais, sœur Eve. Toi, frère Adam et sœur Eve. On n'a pas ta rousa, y a quoi matunda, y a une chambre. Vous avez l'autorisation de manger les fruits de du jardin. Mais il est chambre, il est matunda, comme il est muti, y a katikati ya chambre. Mais le fruit qui est à l'arbre qui est au milieu, ne mangez pas. Chiku muta kuri. Le jour vous allez manger, vous allez mourir. Tenez, tu vas. Allez. Mahubiri ni mfupi tu. La prédication wa Mungu iko nashikia. Celui qui est de Dieu l'entend. Niko narudia pa kile Mungu anasema. Et il retourne sur ce que Dieu dit. C'est tout. Unaishi. Jean aye. Yohan. Mutubu makosa yenu kwa maana ufalme wa mbinguni unakaribia. Repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Hapa na mambo ya kupasula kichwa sana. Il y avait pas un problème qui faisait tourner la tête. Ba Mungu bo. Celui de Dieu. Niko nashikia. Ils entendent. Hapa mutubu makosa ya. Et il se repent. Jonas na yana toke. Jonas il aussi il est arrivé. Wewe Ninive. Toi Ninive. Dans 40 jours. Miaka makumi nne. Ule Mungu aliwaka bantu na maji wakati ya Noa. Ni Dieu qui a angulé. Na ule Mungu aliwaka bantu na moto wakati ya Lota. Ni Dieu qui a tué les gens. Atalabisha imukiri dans 40 jours kama moya mtu. Il va détruire ce pays dans 40 jours. Prédication mfupi frère. Une petite prédication. Ba Mungu. C'est de Dieu. Wanashuka. Ils sont sortis. Wanatubu. Ils se sont repentis. Mungu wasaidi. Et Dieu les a aidés. Mais wewe na mimi tunashika ma prédication. Mais toi et moi, combien de prédications avons-nous déjà entendues? Tutaulizwa kufuatana bwingi bwa mbeko tulipata. Nous allons répondre conformément à ce que nous avons reçu. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi na kubote longue mina ambia kabandu kwa sema. Joko mana bote longue j'ai dit au frère. Attends mina ubiri mina pasuko na kupasuka. Même si je prêchais jusqu'à éclater. Kama ndani yako hauna uzao wa Ibrahim. Si en toi il n'y a pas la semence d'Abraham, il n'y a rien qui va se faire. Leo kama unaenda kumea maibu wewe unapanda mbulongo tajiria. Oh, si tu prends les pieds tu. Attends, là on a pris la ya maibu wewe. Même si la pluie tombe. Ile libo itatosha kama usene. Attends waka moyo. La pierre ne peut rien faire. Mungu atusaidi. Que Dieu nous aide. 138. Mimi napenda kwa accompagner ile andiko misoma ya Jérémie. J'aime accompagner l'écriture de Jérémie que j'ai lu. Chrétien, mon Christ. Oh, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Même si tu es ami du pasteur, si Dieu n'est pas encore arrivé à toi, pour toi, il n'y a pas de signe. Même si tu deviens ami de l'ancien, tu deviens ami de président. Tu es ami de président de diacre. Mais si Dieu n'a pas encore visité ta vie, c'est qui va te donner l'esprit de Dieu, ce n'est pas être ami de diacre. Il doit être votre père pour que vous soyez vous soyez un fils. Et seuls ses fils et ses filles sont sauvés. Pas les membres d'une église. Mais le fils et les filles. Il y a qu'une seule chose qui produira cette relation. C'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Comment on a zari wa jipya? Si un homme est né de nouveau, ashiwezi tena kurudia mpotopoto ya dunia. Il ne peut plus encore retourner dans la boue du monde. Comment on a zari kapa dunia pa mkuzari kwa mara ya kwanza? Si un homme naissait dans ce monde, atana teso asita rudia kama mtumbo ya mama yake. Même s'il souffrait au coma, il ne peut pas rentrer encore dans le monde. Ushitulande ya wongo frère. Ne nous mentez pas. Ulifanya ni sambla ya kwami? Tu as fait semblant de croire. Ba kwamini hapa? Tu n'as jamais cru. On a mille, on a tembe na ujumbe te. Tu crois, tu marches avec ce message? Bibi yako anakufa. Ta femme meurt, tu abandonnes Dieu. Ton mari meurt, tu abandonnes Dieu. Pasteur, comprenez-moi, c'est une épreuve. Priez pour moi, je vais retourner. Frère, Duku, si un homme se rencontre avec Dieu, même si toutes ces choses le vont, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit à lui. Tu demeures escroc, voleur. Tu mens comme si tu disais la vérité. Il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Galate 6:14. Amike kuesha kwito tana shapa nene posu ponga pa mwanda wa musarabu wa nkambo wetu Yesu Kristo. Kuyami vitu byonso bya pano panta nda bya popo pa musarabu mwanda wa aye. Kabijini ami mwine na popo pa musarabu na afwa ku bintu byonso bya pano panta. Pantu mu Kristo Yesu ruonde ne kula ruonde byonso ibya bitu kikata ikusanguka pa muntu mupya. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Kupitia yeye dunia yote inasulubiwa juu yangu. Comme je le suis pour le monde. Nami mwenyewe mimi nishakusulubiwa ku dunia huku. Car ce n'est rien d'être circoncis. Kwa maana ni bure tu kubakia mutokutairiwa ou incirconcis. Kwa maana ni bure tu kubakia wakutairiwa na wakutokutairiwa. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ata leo kufunza mingi na kutokufunza yote ni bure. Beaucoup étudier n'est pas beaucoup étudier, tout cela c'est rien. Wana mari mingi na kutokuwa nayo yote ni bure. De bien ou manquer de bien, tout cela c'est rien. Kuyenga nyumba na kutokuyenga nyumba yote ni bure. Manquer de construire une maison, tout cela c'est rien. Kikubwa ni kuya mtu mpya ndani ya Yesu Kristo. C'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus Christ. Alléluia. Mungu tena anafanya mambo moya munene sana mui royaume yake. Dieu a fait beaucoup de choses dans son royaume. Kile kinani consoler. C'est qui me console. Il est arrivé chez ceux qui ont beaucoup étudié. Il leur avait dit, Mushuki, vos études ne vont pas vous souffler les cieux. Il est arrivé, chez les riches. Avec oh, beaucoup d'argent. $200,000. J'ai 200 000 dollars. La richesse ne peut plus t'ouvrir le ciel. Il arrive chez les riches. Je mange. Pauvreté ne peut pas t'ouvrir le ciel. Élève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. L'incirconcision. Israël. Parce que la loi de Dieu en Israël. Il disait que ce peuple est d'autres peuples. C'était le signe qui distinguait les alors, peuples d'Israël. Et la circoncision. Et ce peuple qui est dans cet état est différent de ce peuple. Mais Paul, ça veut dire que le prophète a l'aide de ce peuple. Qui a amené la génération aujourd'hui dans le problème de Jésus. Un jour, j'allais voir un frère qui allait brûler son habit. Un bon frère, quand il arrive dans l'église, il tape de tam-tam. Un frère est venu. Votre frère, s'il fume. Comme dans notre marche ici. Nous ne voulons pas appuyer les accusations des païens. J'ai grondé ce frère. Il a dit merci papa pasteur. Un jour tu sauras que votre frère fume. Un jour il s'est tenu en carrière. Je visitais les brebis. Il était sorti en carrière. Il était à côté, il fumait, il regardait les frères pour qu'ils ne puissent pas le voir. Dans cette massive cache, c'est toi-même qui t'élimines. Ton péché ne peut pas tuer ta femme. Ton péché ne peut pas tuer tes enfants. Ton péché ne peut pas tuer un frère dans l'église. Ton péché va tuer ton âme à toi. Tu n'as pas le droit de te cacher devant les frères. Nous, on venait. Le Dieu avec qui nous étions, mais dit pasteur. Celui-là n'est pas le frère. On t'avait dit qu'il fumait, il fume. Quand je suis arrivé plus près de lui, je lui ai dit, frère, bonjour. Je lui ai dit, que Dieu te bénisse, mon frère. Enlève le tabac dans ton vêtre. La foi d'hypocrisie n'existe pas chez ceux-là qui se sont rencontrés avec Jésus-Christ. Si toi t'es rencontré avec Jésus-Christ, la même sainteté que tu as devant les frères, c'est la même sainteté que tu as partout où tu es. Pourquoi l'hypocrisie? La vie du péché, ça t'est toi-même. Que Dieu nous aide. Même dans la manière de travailler pour Dieu correctement, tout commence le jour où Dieu s'est rencontré avec Dieu. Aujourd'hui, dans le monde des prédicateurs, il y a beaucoup de dégâts. Si on peut suivre ça correctement, ce sont des gens qui se sont introduits même dans l'œuvre avant que Dieu ne puisse le faire. J'avais reproché un pasteur quelque part. Pasteur Nashimama. Pasteur s'est tenu. Il a dit à l'église, tous ceux-là qui voient qu'ils ont la soif de prêcher, ils sentent qu'ils ont un ministère, qu'ils viennent me voir au bureau. Le bureau était plein de feux de diacres. Quand ils sont tenus à la chair, le pasteur a dit que Dieu soit loué, l'église a des prédicateurs. Et tous les frères étaient prêts. Même des enfants. Frère, c'est faux. Il y a bon goût. Dieu n'appelle pas comme ça. Amen. Il y a des dégâts qui commencent à se faire. Le prédicateur qui a prêché dimanche, il a été tué au champ parce qu'on l'a trouvé avec une femme d'autrui. Maintenant, dis-moi. Ce n'est pas bien, mon frère. Mais quand Dieu lui appelle, son appel est différent de l'appel des gens. Amen. Quand papa andaï, dans son appelle, il veut appeler le frère là. Il veut appeler le frère là. Dieu n'appelle pas ainsi. Dieu va appeler lui-même. S'il s'adresse lui-même à toi, même si dans la voie il y a des épines, mais si c'est un homme qui t'a appelé au travers de notre homme, tu ne vas pas bien marcher. Il y a des mépris dans cette marche de la foi, il y a des souffrances. Pour suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment joué. Si tu es venu dans le goût d'autrui, tu n'as pas, tu ne feras pas l'enfer. C'est une route avec beaucoup d'épines. Écoute ça. C'est comme un gouverneur. Il met 100 000 $ là à la fin. Il brise les bouteilles. Il brise les bouteilles. Il te dit, enlève tes souliers. Marche sur ces verres pour aller à la fin. Alléluia. Amen. Nous allons à la vie éternelle avec des larmes. Nous serons contents quand nous serons arrivés. Mais si toi, tu es entré parce que ton mari c'est le pasteur dans l'église. Tu n'as pas une expérience personnelle. Tu n'iras pas loin. Le jour où ton mari va mourir, toi aussi, tu vas t'arrêter. C'est pourquoi tu ne viens plus à l'église. Celui qui m'a fait entrer n'est plus là. Seul demande Dieu que Dieu t'aide, que tu te rencontres avec lui. Une preuve personnelle. Que tu puisses avoir une preuve personnelle. Même si tout le monde fuit l'église, toi tu ne vas pas fuir. Pourquoi? Tu retournes au jour où tu te rencontres avec Dieu. Quand Paul se rencontre avec Dieu, il commence à œuvrer pour Dieu. Il n'œuvre pas avec des rigolades. Les chiens étaient pour lui. Et le mépris était pour mais lui. Mais quand il est il retournait au jour où il allait chez Damas. Et cette voix-là, même toutes ces choses, je me suis rencontré avec Jésus-Christ. Toi, tu te rencontres avec quel Dieu? Les épreuves que nous trouvons, même certains dans le monde, certains d'autres même trouvent plus de plus que ce que toi tu as. Alléluia! Amen. Un jour, j'étais à Kolwezi. J'étais prêché chez Jules Kalamba, notre frère Jules Kalamba. Quand j'avais terminé le samedi où je me reposais, il nous a appelé chez lui avec le pasteur de la Moussompo et le pasteur de la Kounseke, le frère Alexis. Nous sommes restés dans la maison de Frégine. On a arrangé la table. Le pasteur Jean était à Lusanga. Le frère Gilles. Nous avons entendu une bombe. Un vœu qui s'est cogné à l'arbre. Il y avait un autre frère de tabernacle. Il a eu beaucoup d'enfants, il est arrivé à la fin. Le cadet, il l'aimait beaucoup. Un jour, ce cadet était malade. On est allé avec lui chez HPK. Il était mort. Tous ses frères aimaient beaucoup papa ce jeune téléphone. Le papa a pris le téléphone. Il a appelé son père et fils. Prends le véhicule, venez prendre votre mort. Tous avaient reçu le choc. Le premier a pris sa femme. Le deuxième enfant a pris sa femme. Le troisième enfant a pris sa femme et son ami. Ils sont allés en courant en arrivant dans la commune. Ils ont freiné, ils ont aussi fait l'accident. Ils sont tous morts. Frère, donc, la morgue a bougé. Accident. On a commencé à amener les gens. Tous les véhicules étaient brisés. Le frère, lui, qui ne savait... Quand il a su que ce sont les enfants qui j'appelais, Le monde était devenu rouge. Le frère était resté là-bas tremblant. Et même il y avait un ami de ses enfants. Et tous les véhicules étaient bonnés. Le premier enfant avec sa femme, le deuxième, le troisième. Et même l'enfant de tous les enfants. Et même son enfant lui-même était déjà mort. Et même quand on t'a volé les maïs au champ, tu as laissé la foi. La foi de ces niveaux là-bas. Si cet homme persévérait à l'effet de moi, Jésus, pourquoi tu vas laisser la foi? Parce qu'on m'a volé les maïs au champ. Frère, attention! Dans cette marche, il n'y a que ceux-là que Dieu a appelé qui réussissent. Dans cette marche, c'est possible et c'est facile pour ceux qui Dieu a appelé. Si tu t'es engagé toi-même, il y a une secousse dans cette marche que tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi tu donc, on a prié que Dieu nous aide. Commence d'abord par nous rencontrer avec lui. Si nous commençons par nous rencontrer avec lui, la marche sera facile. Nous allons supporter tout ce qui va nous arriver. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Deuxième Corinthe. La Corinthe à Pili. Chapitre 7. Mustaria Kumina. Deuxième Corinthe. Chapitre 5. La Corinthe à Pili sur la Kiatan. Verset 7. Mustaria Saba. Kurenga jino katukiyuka bantu mu musango wa buntunshi na changa kara twayukire Kristo mu musango wa buntunshi jino kenshi twamuyuka mu musango kurenga ange muntu uti mu Kristo sanga wapangwa kipya byakara byonso byapita jino ke bipya adi byonso bifuma kuiresa mwine yewe tupwanya naye mwine moka mu Kristo Yesu ne kuitu pera mijimo ya kuiba puanya bantu na ye mwine. Panturesa wajiku puanya bantu wonso kuya ye mwine. Monka mwi Kristo kaji kuronda ronda miende yobaba jire. Kabiji witu tuika atue kuiba fikidija ino mianda ya kupuana nanji. Kurenga tujibaruwe bata rurua kui Kristo. Ibu alesa mwine upapachira bantu mumitima yetu. Iwalesa mwine upapachira bantu mutunu watu wetu. Tuimi papachira mujishina ja Kristo pwana inalesa. Aye Kristo wakuburwa kuyuka bubi. Lesa wa musangwileke bubi muanda wa atwe. Amba atwe tusanguke kebororoke waresa mwiyaye. Pwana inalesa. Tuimu papachira. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable. Tu peux te comprendre ça? Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il est fort, je vous en parle. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, nous tous qui nous sommes rencontrés avec Christ, nous ne le connaissons pas selon la chair. C'est pourquoi Dieu commande, c'est difficile. Un frère arrive chez toi. Pardon, frère. Nous ne le connaissons pas selon la chair. Nous sommes tous frères. Tout coché, beauté, bandou. Alléluia. Amen. Nous sommes un dans le Seigneur. Tout couba, moja, ndani abouane. Nous ne le connaissons pas selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés. Nous vous supplions, frères. Nous vous supplions, prédicateurs. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Dieu nous supplie, nous tous qui sommes dans cette salle, soyons réconciliés avec Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, tu commences dans ta présence, tu sortiras justifié. Tu ne connaîtras personne selon la chair. Tu n'auras pas une marche à qu'on puisse te pousser tout le temps. Non, mon frère. Si tu te rencontres avec Christ, tu ne vas pas commencer à t'absenter à l'église comme tu veux. Si tu te rencontres Christ, tu ne seras pas un chrétien au Mouda. Comme c'est le temps des champs, tu vas rester au champ. Un fils de Dieu véritable, il souffre quand il n'a même pas encore entendu cette parole de Dieu. Le frère Branham enseigne dans la soif. Il dit, si un enfant est dans les mains de sa maman, il a soif, il a envie de téter. Quand on lui donne de l'eau, ça ne va pas étancher sa soif. Nous aussi, si nous sommes nés de Christ, nous sommes dans les mains de Christ, nous n'allons pas supporter que le mois se termine sans que nous puissions téter. Non. Même si mes activités sont très meilleures, mais je dois avoir le temps d'écouter Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup d'histoires de ce monde. Ça ne va pas nous, ça nous a pas donné de nouvelles naissances. Mais si nous en écoutons Dieu un seul jour, nous sommes déjà nous. Alléluia. Amen. Nous aimons que chacun de nous puisse avoir la chance de se rencontrer avec Dieu, parce que cet état de se rencontrer avec Dieu puisse l'accompagner jour à jour à approcher Dieu. Et se rencontrer avec Dieu, nous y sortons avec une chrétienté sans hypocrisie. Le mensonge s'arrête. La vie de dissimulation s'arrête. Nous y sortons déjà nouveau-nés. Même autrefois, on savait que ce frère Lievin, si te dit 10 mots, le mensonge, il y en a 9 et demi. 9 et demi, ce sont des mensonges. Mais après ma rencontre avec Christ, Lievin devient une nouvelle créature. S'il dit une chose, c'est la vérité. Parce que Christ lui-même, c'est la vérité. S'il entre dans le cœur d'un homme, il fait de cet homme celui qui parle de la vérité. Christ, c'est une lampe. S'il entre dans un homme, cet homme devient une ampoule de Christ. Partout il sera, c'est l'ampoule de Christ qui éclaire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide richement. Que Dieu bénisse ses paroles dans nos cœurs. Ce sont des paroles qui s'entendent comme étant très peu, mais ce sont des paroles qui ont beaucoup de profondeur en elles. Ce qui est important, ce qui est important, ma soeur, ce qui est important, mon frère, que chacun de nous arrive dans la présence du Seigneur. Dieu nous fait déménager du tabernacle, nous amène dans son corps invisible, que nous sortions de la chrétienté sans hypocrisie, que nous quittions de la chrétienté sans négligence, que nous travaillons pour Dieu sans se lasser, jusqu'à ce que nos yeux verront Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je termine par ici.